Le Lloydcast. Les remarquables. Prenez le temps de les découvrir. Salut la compagnie et bienvenue sur le Lloydcast épisode 22. Il y a les comédiennes pétillantes, celles avec une case en plus ou en moins, les fascinantes, les intrigantes, celles qui font peur, les autres qui font envie, les grandes techniciennes et les instinctives, les raisonnables et les frappées. Et puis, eh bien, il y a Eva Rami, qui est l'ensemble de tout ça, plus elle. Autant te dire que ça fait du monde et que j'ai une petite suée dans mon dos à l'idée de cet échange avec elle, au pluriel. Parce que lorsque tu l'as vue sur scène, l'expression « elle n'est pas toute seule là-haut » prend tout son sens. Et pour couronner le tout, elle est aussi autrice. Alors c'est avec un grand plaisir que je t'invite à écouter toutes ces Eva en une. Tu ne vas pas le regretter. Mesdames Rami, bienvenue. Oh ben dis donc, je suis touchée Lilian. Je suis touchée par cette belle présentation. Comment ça va ? Ça va bien. Ça va bien, là c'est la pleine lune ce soir, donc ça chamboule, ça brûle, ça vibre, mais ça va bien. Alors on est le 27 avril au moment où on enregistre ce podcast. Dans 2 jours, il va y avoir un gros événement pour toi, on va en parler, parce que tu fais une représentation en live et tu vas donc représenter ta pièce, ta dernière pièce, ton dernier seul en scène, en tout cas le deuxième, tais-toi. Et ça aussi, on va en parler. Alors, il y a plusieurs traditions dans le podcast. Et la première tradition, c'est qu'est-ce que tu bois et qu'est-ce que tu es en train de boire ? Enfin, qu'est-ce que tu préfères boire et qu'est-ce que tu bois en ce moment ? Alors, écoute, en bonne mamie, sur mon fauteuil en osier, une bonne tisane citron-gingembre, ce serait parfait. D'accord. Et actuellement, tu bois quoi ? De l'eau. Voilà. C'est comme moi, j'adore le Moscow Mule et là, je suis en train de boire de la Contrex. Alors, Eva, ma première question, c'est combien tu as dedans ? Ah, purée, que, mais fait, bonne question. Mais oui, parce que, en fait, si tu veux, en faisant les recherches, en travaillant sur cette émission pour toi, je regardais plusieurs photos de toi. Et d'ailleurs, on en voit certaines où tu fais la gueule et on sent que tu fais beaucoup d'efforts pour faire la gueule. Et toutes les autres photos, tu souris de toutes tes dents. Et j'ai l'impression que tu as autant de personnalité que de dents. Et j'ai vraiment l'impression aussi que tu as le double de dents que le reste de l'humanité. Alors, c'est drôle que tu dis ça. Moi, j'ai une histoire avec les dents particulière. Je me suis pété les dents de devant à 9 ans. Je jouais avec mon meilleur ami de l'époque qui s'appelait Jérémy. Et on était dans son jardin et on jouait au croquet. Et du coup, on avait joué pendant 2 heures et au bout de 2 heures de jeu sous le soleil battant, nous avons fini la partie. Il a gagné et en envoyant sa main en l'air avec son marteau, je me le suis pris dans les dents. Et du coup, il m'a cassé les 2 dents de devant. Et pendant des années, en fait, j'avais des bouts de résine sur les 2 dents de devant. Et c'est un truc très intime, en fait, que je m'aperçois là que je suis en train de raconter. On a à peine commencé et tout va bien. Mais du coup, en effet, ces dents-là, ça a été un délire. J'ai eu un appareil, je les ai cassées je ne sais pas combien de fois. Donc, ça a été… c'est une grande histoire, ces dents. Donc, je suis touchée que tu ouvres le podcast par mes dents. Et donc, la deuxième question, c'est… Vous êtes combien ? Ah, j'en sais rien. Je ne sais pas. Mais en tout cas, on est plusieurs, ouais. Ça, je pense… Oh, je ne suis pas la seule, hein. Je pense que tu es pas mal dans ton genre aussi. De toute façon, en tant que comédien, en général, on a plusieurs personnes qu'on convoque. Donc, mais moi, je ne sais pas, tiens, je les compterai. Ouais, moi, je suis plutôt auteur à la base. Donc, les personnalités, je les ai à l'intérieur, je les fais vivre. Moi, je suis plutôt le village qui est habité par tous ces personnages. Et… Voilà, moi j'essaye de me concentrer sur ce que je sais faire, être ce village et regarder les habitants y vivre. Et après, en tant qu'auteur, je fais simplement le travail de relater ce que je vois et ce que je vis à l'intérieur. Alors, on va parler de toi. Et d'abord, je voudrais en savoir un tout petit peu plus quand même sur ton parcours de comédienne. Déjà, tu es une fille du Sud. Ça, c'est sûr, ouais, du Sud. Moi, je suis née en Argentine, mais… Avec mes parents, on est rentrés en France à l'âge de 2 ans et j'ai grandi à Nice. J'ai grandi à Nice jusqu'à mes 19 ans. jusqu'à ce que je passe les concours des grandes écoles d'art dramatique et que je monte à Paris. Justement, à quel moment tu as décidé de devenir comédienne? Est-ce que pour toi, ça a été une évidence tout de suite? Je pense que c'est vraiment quelque chose que j'ai en moi depuis toute petite. Et ça a commencé notamment, j'étais dans un petit village qui s'appelait Aspremont et je regardais, il y avait un documentaire, c'était sur la compagnie des sales gosses et c'était des enfants qui imitaient Élie Kakou et qui faisaient des sketchs de lui. Et j'ai découvert cet homme-là et cet homme-là, il a réveillé quelque chose en moi qui s'est jamais éteint, quoi. Je faisais ces sketchs, je les connaissais par cœur, je les imitais à la maison. D'ailleurs, mes parents, ils ont encore des vidéos de moi où je fais Madame Sarfati, où je l'imite. Et cet homme-là me fascinait, me passionnait. C'est un transformiste. Même encore aujourd'hui, quand je regarde ses sketchs, je me dis, mais oh là là, mais il est parti trop tôt, celui-là, quoi. Je pense qu'il a beaucoup influencé des personnes de ma génération, des comédiens. J'en suis intimement convaincue de ça. Tu parles beaucoup on va commencer à parler un petit peu aussi de ce que tu fais ces derniers temps, mais tu parles beaucoup de tes profs dans Tais-toi. Et est-ce que c'est pour toi une forme d'hommage de parler d'eux, en tout cas de les incarner? Enfin, à quel, puis bon, j'imagine qu'il y a une grosse part de vérité dans ce que tu représentes, mais à quel moment tu t'es dit, tiens, j'ai envie de parler de mes profs dans ce parcours, même si ce spectacle est, on comprend, autobiographique? En effet, il est en grande partie autobiographique, même si les personnages que je tisse, ce sont des archétypes. Mais en effet, non, les professeurs que j'ai rencontrés, de toute façon, qu'ils aient été durs, qu'ils m'aient bousculé, mais j'ai appris énormément. Ça a été c'est des maîtres à penser, c'est des parents de substitution, c'est des guides, c'est pour moi, oui, c'est un hommage, ça c'est sûr, c'est clair, c'est même si j'en rigole beaucoup et je dresse des portraits pas forcément toujours flatteurs, mais vraiment avant tout, oui, bien sûr, c'est un hommage. Moi, ça a été, ils ont une grande importance dans ma vie, et d'ailleurs, le metteur en scène qui m'a mis en scène dans Vol et Tais-toi, c'est un professeur que j'ai eu. À l'ESSAD, qui s'appelle Marc Ernotte et qui est formidable et qui est un pédagogue extraordinaire. Et c'est vrai que ils ont une place très très importante. J'étais très timide. Voilà, c'est des personnes qui d'un coup vont t'ouvrir un univers, vont nous donner la capacité de pouvoir sortir des choses voilà, qu'on ne pensait même pas avoir en nous, qui vont nous faire découvrir des auteurs. C'est vraiment, oui, les professeurs que j'ai rencontrés, que ce soit à l'ESSAD, que ce soit au conservatoire, même au conservatoire de Nice, c'est des personnes très, très importantes. Dans ma vie, et je pense que dans le parcours d'un comédien, c'est essentiel de tomber sur les bons pédagogues. Et donc, il y a eu Vol et maintenant, il y a Tais-toi. Qu'est-ce qui t'a donné envie de faire ces spectacles pour te raconter, en gros, ton parcours de comédienne? Il y a plusieurs choses. Vol, c'est parti d'une frustration, d'une envie de jouer, de me donner de m'écrire des rôles qu'on ne me donnait pas et que je n'avais pas l'occasion de jouer. Donc, il y avait vraiment cette envie-là. Il y a le conservatoire, du coup, de Paris qui m'a donné ce cadre-là pour me lancer. Moi, j'avais toujours eu envie de faire un one-man show, mais vraiment à proprement parler, c'est-à-dire plus dans la forme stand-up. Et en fait, en écrivant, je me suis rendu compte que bon, bah, ça n'allait pas être forcément que drôle et qu'il fallait que j'assume cette chose-là. Et c'est parti, on va dire que le départ de ma grand-mère paternelle a été vraiment un élément déclencheur et il y avait une envie vraiment de qu'elle m'accompagne, qu'elle soit là avec moi sur scène et de ne pas oublier. Voilà, il y avait cette volonté de ne pas oublier. Et ça, c'est parce que j'ai des thèmes comme ça, c'est vrai, qui m'obsèdent un petit peu. La transmission transgénérationnelle, c'est quelque chose qui me bouleverse et c'est vraiment un moteur d'écriture très très fort, très très fort chez moi. C'est amusant parce que, bon, déjà, sur le thème des schémas ou des traumas transgénérationnels, Ça me parle très très fort parce que je pense que la moitié de mon œuvre y fait référence. C'est assez amusant parce que tu es jeune et tu écris déjà sur toi, sur ta carrière. Je pense aussi à un autre Niçois que tu connais aussi, Lucas Gimello. Je lui fais Bien un coucou sûr. amical ici, qui lui aussi fait des seuls en scène pour aussi se raconter dans sa carrière aussi de jeune comédien. Je crois qu'il est même Oui. encore beaucoup plus jeune, hein, d'ailleurs. Hein. Lui, Lucas, il doit avoir Oui, il est 25 ou beaucoup 26 plus ans. jeune. Oui, Et je crois, oui. Ouais. donc, comment tu interprètes cette envie aujourd'hui chez toi, ou c'est peut-être trop, trop proche, cette envie de te raconter en étant si jeune? je crois que c'est ce que je connais le mieux en fait. Donc, et puis le social, ça me passionne. Donc c'est vrai que c'est presque comme je connais bien ma vie. Du coup, c'est vraiment c'est l'occasion du coup de pouvoir partir de l'intime. Je pars de ce que je connais pour tendre vers l'universel. C'est ça qui me passionne et qui me tient. Il y a voilà le thème. De la transmission, le thème du deuil, de la vocation, des non-dits, c'est des choses vraiment qui me passionnent et quoi de mieux que de partir de sa propre histoire pour s'en inspirer et essayer de l'ouvrir un maximum à l'universel. Parce que c'est vrai que même au début, quand j'ai écrit Vol, je me suis dit, mais qui ça va intéresser, quoi, ma petite vie là, mon père, ma mère, et puis bon, Vol surtout concernait vraiment cette transmission. Entre femmes, parce que j'y joue ma grand-mère paternelle et j'y joue principalement ma mère. Il y a eu un homme qui s'appelle Emmanuel Benoît et qui a l'accompagné L'Éternel été, qui était élève au conservatoire avec moi et qui est venu me voir à la sortie de ma présentation de maquette au JTN, au Jeune Théâtre National. Et il était en pleurs et il m'a dit, mais Eva, mais est-ce que quelqu'un t'aide? Je lui dis, bah non, écoute, là, voilà, je viens d'écrire, c'est une maquette. Il m'a dit, mais moi, je veux t'aider, je veux t'accompagner. Et ce jeune homme, du coup, m'a tenu la main et m'a accompagné, m'a ouvert les bras dans sa structure. Et il m'a dit, mais il faut que tu fasses Avignon, il faut que. Et j'y croyais pas au début, je lui ai dit, mais t'es fou, qui sait. Enfin, voilà, je. Et je crois que peut-être le fait de le jouer, d'avoir eu des retours très chaleureux, bah ça apporte un peu de confiance en soi. C'est ça que ça apporte. On se dit, bon, bah, voilà, j'ai quelque chose vraiment à y faire. Et si ça touche, mais c'est formidable. Si je sers ne serait-ce qu'à une personne dans la salle, à lui ouvrir des choses. J'ai eu des ados qui sont venus me voir à la sortie de Vol, qui étaient en pleurs. Je me rappellerai toujours, il y en a un, il m'a marqué, mais il m'a marqué à vie. Et quand je peux avoir des moments de doute, je pense à lui. Et c'était une classe d'ados qui était venue. Et à la fin, il était en pleurs. Et je lui disais, mais pourquoi tu pleures comme ça? Je viens de te voir pleurer, ça me donne envie de pleurer. Qu'est-ce qui se passe? Et il m'a dit, bah, en pleurant, il m'a fait, bah, parce que tu mets des choses, tu arrives à mettre des mots sur des choses que j'arrive pas encore à expliquer. Et il s'était mis à s'effondrer. Je m'étais dit, bah, et évidemment, ça me faisait de la peine de le voir dans cet état-là. Et en même temps, je me disais, waouh, mais formidable, quoi, si je sers à ça, et ben c'est génial, c'est trop beau, tant mieux. Pour le coup, j'ai une anecdote là-dessus. Sur le tout début de ma carrière, je savais pas trop en fait ce que je faisais et ce à quoi je pouvais servir. Et puis il y a cette femme qui est venue vers moi. Je me rappelle très très très bien. Et elle me regarde et elle me dit, mais elle me prend les mains, elle me dit, vous avez mis des mots sur mes douleurs. Et je me sentais hyper touché. Et la seconde d'après, elle m'a serré encore un peu plus les mains, s'est rapprochée de moi, mais elle est vraiment rentrée dans mon espace d'intimité. Et m'a dit, vous arrivez à faire de l'humour sur la dépression? Moi pas. Et elle a eu une voix noire comme ça. Elle était à peu près à 10 cm de mon visage. Je me suis senti dans la peau de John Lennon 5 secondes avant de se faire buter. C'était extrêmement flippant. Et voilà. Mais bon, après, j'ai laissé. Dès qu'on me disait c'est qui Lilian Lloyd, je pointais un comédien, je disais c'est lui. C'est magnifique ce qu'elle t'a dit, Oui, mais non, oui, tout du à coup, fait. Non, après, j'ai je compris. Oui, sens le non, il y a lien eu. fort. Bien sûr, bien sûr. Alors, j'imagine qu'on a dû effectivement te parler d'un certain nombre de fois d'un jeune comédien, enfin plus tout à fait jeune, mais qui s'appelle Philippe Cobert. Ah bah. À qui le Et dis-tu? voilà, donc j'imagine que tu as dû le voir plusieurs fois. Mais même au-delà de le voir, ça a été ma source d'inspiration pour Tais-toi. C'est clair, c'est cet homme-là, mais quel génie et quelle virtuose et quelle finesse. C'est bien sûr, ça a été ma source d'inspiration principale pour Tais-toi. Je regardais ses DVD et je me dis, putain, mais qu'est-ce qu'il est balèze, qu'est-ce qu'il est fort et comment il passe d'un personnage à l'autre Avec rien. avec rien et avec un geste, un mouvement et tout ça dans une fluidité et une détente. Ah ouais, non, je suis une très très grande fan de ce monsieur. Ah ouais. Et justement, vu que lui a raconté toute sa vie, a fait le roman d'un acteur, est-ce que toi, tu es parti pour faire le roman d'une actrice? Eh ben, j'en sais rien. J'en sais rien parce que la vie, elle est pleine de surprises. En tout cas, là, tu vois, je suis en train d'écrire un troisième seul en scène. Donc, ça, visiblement, on y va, quoi. Ça continue, hein, ça continue. Maintenant, je suis pas figée à me dire je vais faire ça toute ma vie ou je vais m'arrêter ou j'en sais rien. Je crois que je vais essayer de suivre l'envie d'avoir envie et de voir où ça me mène, quoi. Lorsque tu as trouvé le titre, tu t'es dit c'était une bonne idée. Et est-ce que tu trouves pas que c'est de plus en plus une mauvaise idée qu'à chaque fois que tu dises tais-toi, tu es obligé d'expliquer que c'est T apostrophe ES? Ouais, c'est vrai que c'est. Non, mais en fait, c'est tellement. Il est tellement. Au contraire, je crois que plus j'avance et plus je me dis, mon Dieu, qu'est-ce qu'il est juste par rapport à ce que je ressens, par rapport à ce spectacle ou même dans ma vie, cette contradiction-là entre ce qu'on nous dit, ce qu'on entend, ce qu'on est, et cette injonction-là de. Ouais, qu'on à la fois celle qu'on nous dit, cette parole qu'on muselle, qu'on ne peut pas sortir, qu'on a peur de sortir, ce tais-toi qu'on nous dit dans l'éducation, dans nos formations, dans nos métiers, dans nos amours, dans nos et à la fois cette construction de l'être, quoi, apprendre à être, qui est le travail de toute une vie. Je crois qu'il me parle presque encore plus maintenant que quand j'en ai eu l'idée. L'un des trucs qui était assez drôle, c'est que j'avais écrit le deuxième texte que j'avais écrit s'appelait J'improsive, qui était dans un roman avec la prose, etc. Et mon éditrice Sandrine Fay, à son âme, je pense à elle, elle avait sorti ce bouquin et elle avait tout envoyé à la FNAC et la FNAC lui a tout renvoyé en lui disant qu'il y avait une coquille. C'est magique. Ouais, c'est vraiment Ouais, magique. ça... Il a fallu leur Ah bah ouais. expliquer effectivement qu'il y avait un jeu de mots. Alors, il y a un petit personnage qui s'invite à l'intérieur du podcast à chaque fois. C'est une petite souris. Et la petite souris, elle vient te voir sur une journée. Et qu'est-ce qu'elle verrait une journée d'Eva Rami? Alors, je pense que selon le jour, ça peut vraiment avoir rien à voir. Là, on va parler en ce moment parce que du coup, on est dans une conjoncture vraiment particulière où du coup, je ne travaille pas comme j'ai l'habitude de travailler depuis quelques années. Et j'essaye de maintenir dans le sens où je mets toujours un réveil pour essayer de ne pas faire mon ado et de me lever trop tard parce que je veille très tard. Je suis un oiseau de nuit, donc je vais me coucher très tard. Donc du coup, le matin, je prends mon petit jus de citron, d'eau tiède, ce qui paraît que ça nettoie les intestins et que c'est très bien. Elle Ouais. verrait ça, elle verrait me faire mon petit jus de citron le matin, puis elle me verrait faire du yoga ou de la gym parce que j'alterne pour essayer de garder la patate. Parce que c'est vrai que, notamment là dans Tais-toi, le fait que je le rejoue jeudi, heureusement que j'ai pas lâché parce que c'est vrai qu'il me demande une énergie de dingue. Et je me rappelle quand j'avais repris en septembre, après le premier confinement, j'avais senti, ouais, je l'avais éprouvé cette représentation. Je m'étais dit, ouais, mais ça n'en finit plus, je ne voyais plus la fin du spectacle, parce que j'avais fait que du yoga comme une tarée. Et en fait, je me suis dit, ah non, non, Eva, il faut que tu bosses le cardio, c'est indispensable. Donc, du coup, voilà, selon le jour où elle viendrait, bah, soit je ferai du yoga, soit de la gym. Et puis, bah là, du coup, je suis en train d'écrire en ce moment donc le troisième spectacle. Donc, elle me verrait dans un silence de plomb en train d'écrire et de taper à mon ordinateur et puis de parler à voix haute en faisant des personnages pour voir si ça marche, pour voir si c'est fluide, pour voir si en bouche c'est sympathique. Est-ce que tu as un rituel? Est-ce que une mise en condition? Bah, Est-ce j'ai qu'il y a besoin de des silence heures? en fait, hein, je crois. Non, j'ai pas d'heure, j'essaye de. J'ai Tu as l'impression besoin que de plus je silence, tu veux dire que vieillis, dès que tu commences à ouais. travailler, tu dis tais-toi à tout le monde? Ouais, c'est ça. J'ai besoin d'un silence. En plus, je suis fille unique, alors t'imagines le délire. Moi, j'ai pas eu des frères et sœurs qui gueulaient ou qui étaient dans ma chambre. Ou j'ai pu être assez tranquille, si ce n'est solitaire. Donc j'ai cette. Je crois que j'ai besoin, en tout cas, de beaucoup de calme autour de moi. Mais sinon, non, je crois que plus je vieillis, plus je suis du matin. Avant, j'écrivais très tard le soir et je crois que ouais, là, j'y arrive peut-être un peu de moins en moins. Ça dépend du jus. De toute façon, on est tellement, j'ai l'impression, là, en tout cas, je parle en tant que comédienne, mais on est tellement décalé, déboussolé. Voilà, le fait de pas forcément travailler comme d'habitude, si ce n'est pas du tout, ça brouille, je trouve, vraiment le rapport au temps. Donc du coup, là, il y a ça, il y a cette écriture-là, et il y a beaucoup de coups de fil aussi qui sont passés. Elle me verrait téléphoner très très souvent. Et puis voilà, elle me verrait bien manger, parce que j'aime beaucoup manger, c'est très important. Voilà. Je ne suis pas une cuisinière de dingue, mais j'adore manger. Donc voilà, hein, pour l'instant, ce ne serait pas foufou hein, pour elle. Hein. Je pense que ouais, on ne Est-ce trouverait que pas ça très palpitant. tu, comme les danseurs ou les musiciens, est-ce que tu as des gammes en tant que comédienne? Est-ce que tu fais tes gammes? Est-ce que tu continues de travailler, même quand tu ne travailles pas? Eh bien, en fait, là, je m'aperçois que pas beaucoup, à part en fait le sport et le fait de lire, pour moi, ça, de toute façon, ça fait travailler mon imaginaire, le fait d'écrire aussi. Mais c'est vrai que non, je ne vais pas travailler forcément mes gammes. Par contre, en effet, je suis une obsessionnelle, une religieuse de l'échauffement avant de jouer. Par exemple, là, tu vois, jeudi, je vais jouer, même demain, je vais répéter au Petit Montparnasse, et c'est clair que. Je m'échauffe comme une malade. J'ai trop besoin de passer par le corps. J'ai besoin de souffler, de respirer, de travailler un peu sur les muscles, de sortir la voix, puis de bien échauffer la voix. Ça, c'est ma grande angoisse, c'est de perdre ma voix. Je pense que je suis pas la seule. Mais donc voilà, ouais, je suis une grande. Ouais, je m'échauffe énormément. Ça, c'est clair. C'est des rituels. Quand je joue, c'est très très important. Ces moments-là, ils sont hyper importants pour moi. Ouais. Et justement, tu parlais de la représentation qui va y avoir donc le 29 avril, donc le podcast sortira après. Comment ça Ouais. se prépare une représentation si particulière parce qu'elle est filmée en live et retransmise sur Opsis TV, c'est ça? Ouais, tout à fait. Eh bien, elle se prépare, elle va se préparer comme un spectacle normal, hein, comme si tout était normal, dans le sens où après là, la grosse différence, c'est que j'ai pas joué depuis très longtemps, donc je suis extrêmement flippée parce que. En fait, moins tu joues, plus tu. J'ai l'impression qu'il y a une sorte de. On perd confiance. J'ai presque peur de plus savoir jouer. Donc, il y a peut-être un état d'angoisse qui est un petit peu plus présent que ce que je peux avoir peut-être l'habitude quand tu joues, quand tu es dans l'action et qu'il y a cette chose-là l'action génère l'action. Donc, tu passes d'un spectacle à l'autre. Il y a cette rythmique, cette dynamique-là qu'on a à l'intérieur et qui, du coup, Et c'est chaud. C'est. le public Oui, voilà. aussi Et qui le crée public. cette empathie. Bien sûr. Là, je sais qu'il va y avoir quelques personnes dans la salle avec les conditions sanitaires réunies, bien évidemment, mais heureusement, j'ai supplié ma production pour qu'il y ait du monde et que, en tout cas, je puisse inviter sur le doigt d'une main quelques personnes pour que je puisse avoir un petit retour, parce que c'est vrai que, évidemment, cette vibration-là, c'est celle qui nous porte et c'est vrai que jouer devant une salle vide en sachant que c'est en direct, enfin, c'est très très particulier. Moi, c'est vrai que pour moi, le théâtre, de toute façon, il est vivant, il doit rester vivant. Et là, le streaming, on va dire que c'est une bonne alternative. C'est quelque chose qui, je pense, de toute façon, aurait existé à un moment ou à un autre. Voilà, c'est vrai que là, bah, ce phénomène-là, il est accéléré avec la Covid. Mais c'est vrai que voilà, ça me permet de garder un lien, ça me permet de dire, bon, on n'est pas mort, hein, on est là, on est à l'agonie, mais on est là, on est vivant, on tient bon. Mais je vais jouer, je pense que ouais, je vais jouer comme d'habitude, je vais essayer de me concentrer sur ce que je dis, de dire ce que je pense, de penser ce que je dis, de m'accrocher à ça comme une dingue, et puis de me dire qu'il faut que je déroule et que je ne me laisse pas perturber par le fait qu'il n'y ait pas beaucoup de réactions, si ce n'est très peu. Tu parlais de la situation actuelle. Là, pour le coup, toi, tu t'es retrouvé arrêté en plein décollage parce que, après Avignon, on a beaucoup parlé de toi, et puis tu es arrivé à La Huchette et ça marchait vraiment bien. Et Ouais. ça t'a un petit peu coupé dans ton envol. Mais tout ça va finir un moment ou un autre par reprendre. Mais Ah, je vous en supplie. comment finalement tu as pu réussir à traverser cette période, enfin, qui continue encore, hein, malheureusement, et comment tu imagines la suite? Ouais, ça a été très dur. Franchement, ça a été très difficile. Mais voilà, encore une fois, comme beaucoup de mes copains et puis comme beaucoup de personnes de ce milieu-là, c'est en fait, en effet, c'est vrai qu'il y avait quelque chose qui commençait un petit peu à se lancer. Il y avait des bons retours au théâtre de la Huchette. Il commençait à y avoir des beaux papiers dans la presse. Et zouip, ça a été vraiment coupé. En effet, pile poil, en plus, je devais jouer 4 mois. Ça a été coupé en plein élan au bout de 2 mois. Et suite à ça, ouais, je suis passée par plusieurs étapes. Il y a eu une envie d'abord de continuer. J'étais dans cet élan-là, donc j'ai fait des vidéos à la maison, dans ma Qui salle de était bain. excellente. Je te remercie, Lilian. Ben, en tout cas, ouais, ces petites vidéos, en tout cas, voilà, je me suis dit, je vais prendre ces personnages-là de ce spectacle qui est arrêté, donc tais-toi, et je vais les mettre dans des situations comme s'ils continuaient à vivre hors scène et qu'eux aussi subissent ce confinement. Donc, du coup, j'ai fait ça pendant un temps. Puis au bout d'un moment, je n'y arrivais plus. Il y a eu aussi un truc de c'est bon, quoi. Il faut aussi traverser cette chose-là qui est lourde, qui se digère aussi. Et donc, j'ai coupé un peu cette chose-là. Je me suis dit, allez, t'arrêtes maintenant. Et t'essayes aussi d'arrêter d'être dans un échappatoire. Et puis tout simplement, je trouve que l'absence de la possibilité de projection, du coup, il y a un moment où j'ai trouvé que ça brouillait aussi l'imaginaire. Enfin, il y a un moment où j'avais plus du tout envie d'être vraiment dans la productivité. Je me suis dit, stop, arrête-toi là et laisse-toi traverser là parce ce qui est en train de se passer. Et puis après, bah, il y a eu l'été qui est passé et il y a eu un petit espoir qui est revenu un peu en octobre. J'ai eu quelques dates, notamment avec Et le cœur fume encore, qui est un spectacle autour des mémoires de la guerre d'Algérie qu'on a pu jouer au TGP à Saint-Denis. C'est un spectacle qui est mis en scène par Margot Eskenazi et Alice Carré. Et pour le coup, en effet, voilà, c'est vrai que je joue avec des troupes parce que pour moi, c'est vraiment essentiel. Je pense que j'arrive à tenir seule sur scène. Parce qu'aussi à côté. Tu as spoilé Ah merde. ma prochaine question, mais c'est pas grave, vas-y, tu y réponds, c'est parfait. Bon, ben comme ça, voilà, je fais une pierre 8 coups. Et du coup, ouais, il y a cette chose-là, en tout cas, qui est trop importante. Et je pense que je tiens bon, entre guillemets, ouais, tenir bon, parce que partir seul sur les routes, souvent, voilà, ça génère des fantasmes pour certains, alors qu'en fait, dans le concret de la chose, enfin voilà, ça peut être aussi une grande solitude. J'ai eu des moments vraiment dans des endroits où je me disais, waouh, voilà, il n'y a quasiment personne dans la salle. Et puis on se sent seul, et puis ouais, c'est pas tous les jours rigolo d'avoir son petit spectacle sur le dos et de se dire, allez, on part, même si j'ai mon créateur lumière, Luc Chiari, qui est formidable et qui m'accompagne. C'est vrai qu'il y a des moments où le fait d'être seul sur scène et de pas pouvoir le partager avec des camarades, que ce soit sur le plateau ou dans les coulisses, ça peut être un peu lourd. Donc c'est vrai que le collectif me tient, mais vraiment très très fort, et c'est indispensable à mon équilibre. Et Et t'as donc failli du y coup. jouer dans un Lilian Lloyd aussi, quoi. Donc, bon. Et j'ai failli jouer dans un Lilian Mais Lloyd t'étais et beaucoup ça ne trop s'est cher. pas fait. Et, et ça n'a pas pu se faire. Non, Et je non. sais que tu m'en veux et je sais que. Non, tout va bien, tout va Mais. bien. Tu as dit une chose très jolie tout à l'heure en off que je te laisse répéter. Tout à fait. Oui, en effet, Franck Desmet, je me rappelle parce que j'avais une proposition et pour jouer dans un spectacle au Théâtre National de Nice. Et c'était horrible parce qu'il y avait des petites dates qui bloquaient. Et souvent, c'est ça, en fait, dans ce milieu-là. C'est au cinéma, en fait, il y a des tranches de périodes où on travaille. Mais au théâtre, ça peut être une petite date là, une autre là, une autre là-bas. Et puis, boum, il y a une semaine là. Et il y en a un peu là-bas. Et c'est vrai que du coup, ça crée des plannings, des vrais casse-têtes chinois. Et souvent, des fois, on peut ne pas faire un projet pour une date parce que bah, pour la compagnie qui va nous embaucher, bah, c'est une date essentielle. C'est la sortie de résidence. C'est le moment où il va y avoir des pros et pas faire l'impasse sur cette date-là. Donc, des fois, pour une date, on refuse un spectacle. Et je me rappelle, je m'étais confiée à Franck Desmet sur cette douleur-là, des fois, parce que c'est évidemment que c'est un luxe de pouvoir choisir. C'est le luxe de, franchement, c'est le problème du bourgeois, hein, on va pas se mentir. Mais vraiment, c'est quelque chose aussi qui, d'un coup, tiraille et rend malheureux, parce qu'on se dit, mais moi, je veux faire ça, et je veux faire ça, et j'aimerais faire tout. Et il m'avait dit, mais écoute, Eva, vraiment, détends-toi, parce qu'en effet, une carrière se fait sur des refus. Et ça m'avait vraiment apaisée. Je m'étais dit, mais oui, c'est tellement juste parce que même moi, je me suis retrouvée en effet des fois à être remplaçante sur un projet, notamment ma collaboration avec Margot de la compagnie Nova. Ça a commencé comme ça. C'était un remplacement sur une pièce de Richard III au théâtre de Belleville et je l'ai remplacée. J'ai remplacé la comédienne une semaine avant et puis au final, ça crée derrière une fidélité de bientôt 10 ans. Donc, au final, je trouve cette phrase extrêmement juste. J'aime bien cette question piège, parce que personnellement, je n'arrive pas à y répondre. C'est quoi le théâtre pour toi? Ah, oh, purée, elle est tellement dure cette question. On peut passer à la deuxième, hein, si tu veux. Ouais, bah pour moi c'est essentiel, hein. C'est ce qui me, voilà, justement, on nous Voilà. a tellement répété qu'on n'était pas essentiel que pour moi le théâtre c'est essentiel, voilà. Au théâtre, c'est quoi ton endroit préféré? Bah là, tout de suite, sans réfléchir, j'ai envie de te dire sur scène, mais j'aime tellement les coulisses, j'aime tellement ça, j'aime tellement être avec les copains que ouais, mon cœur balance, mais on va dire sur scène quand même. Moi, quand je t'ai vu, j'ai été très impressionné. Je pense que tout le monde l'est quand on te voit. Et celles et ceux qui te verront aussi, qui peut-être te découvriront via ce live de jeudi 29. Tu étais doué incroyablement d'une technique, mais phénoménale. Quand je te posais la question tout à l'heure de comment tu travailles ton art, c'était pas innocent. Parce que j'ai toujours pensé que le talent, c'était pas inné, c'était juste la somme des efforts. Et quand on te voit articuler comme tu articules, quand on te voit passer d'un personnage à l'autre comme tu le fais, quand on te voit avoir une telle maîtrise de ton corps et de toutes les choses que tu fais, justement, tu parlais de Franck Desmet, qui pour moi est un comédien phénoménal Ah et oui. c'est de l'horlogerie. Je trouve que Ouais, tu c'est n'as de vraiment l'orfèvre. rien à lui envier et que vous êtes Oh ben, ça me absolument deux touche. techniciens. Hors pair et en plus habité par quelque chose, parce que c'est facile d'être un technicien, enfin, c'est facile. On peut être un technicien et être vide, mais t'es une comédienne absolument phénoménale de technique et de cette force comme ça. C'est pour ça que je me disais, j'avais l'impression que tu étais quelqu'un qui travaillait énormément, énormément sa technique pour pouvoir passer d'un personnage à l'autre. Mais ça, j'imagine que c'est des choses que tu as dû faire aussi dans les répétitions avec ton Oui, metteur en scène. c'est clair. Ah oui, non, je bosse comme une malade, hein, ça c'est clair. Je suis une toquée. Je suis une toquée, donc je peux refaire 50 fois un mouvement. Oui, c'est de la chorégraphie. Ouais, je suis perfectionniste maladive, donc j'ai besoin de refaire les choses jusqu'à ce que je sente que ça passe. Oui, Voilà. que tu n'aies plus besoin d'y penser. Exactement. On termine je voudrais durer ça très très longtemps avec toi, mais je sais aussi qu'il y a des gens qui écoutent pendant qu'ils sont en train de faire leur poulet dominical, un truc comme ça. Et donc à un moment, je pense que le poulet va être cuit. On termine avec la salve de questions qui n'a pas changé depuis toutes ces années. Si tu gagnes au loto, quelle sera ta réaction? J'appelle ma mère direct. J'appelle ma mère et puis après, peut-être que derrière, je pense que j'ouvre un lieu culturel. On y boit, on y mange, où il y a des concerts, où on y fait des spectacles, où il y a des cours d'école. Mais je crois que le premier truc que je fais, c'est j'appelle ma mère, c'est sûr. Est-ce qu'il y a un livre, un film ou une chanson, une musique qui a changé ta vie? J'ai entendu quand tu posais cette question aux autres et je trouve ça difficile d'y répondre parce que je ne crois pas qu'il y ait une œuvre qui ait changé ma vie. Par contre, en effet, qui me guide, qui me parce que moi, c'est les humains, je crois, qui vraiment ont changé ma vie. Mais un livre ouais, qui m'a bouleversée et qui m'a fait beaucoup de bien, c'était Rêver l'obscur de Starhawk. Voilà. C'est un livre vraiment qui m'a bouleversée, qui m'a réconfortée sur plein de choses. Si tu ne faisais pas ton métier, tu ferais quoi? Je pense que j'aurais fait soit chanteuse, soit psychologue. C'est bien. J'aurais pu faire aussi de la psychologie en chantant. Ouais, Voilà. pas mal, j'y C'est penserai. peut-être pour la prochaine vie. Voilà, pour la prochaine. Ton plus bel échec? Je pense que c'est d'avoir raté le conservatoire de piano, parce que ça m'a permis de me lancer dans le théâtre, quoi. Sinon, j'aurais sûrement été pianiste, je pense. Ton endroit préféré au monde? À part sur scène, on va dire le Brésil. Il y a ce mot anglais, enfin américain, plus exactement, qui est le motto, qui est en gros un peu la phrase moteur, la devise que tu as. Quel est ton motto? Ben justement, c'est une expression brésilienne et c'est só por hoje. Ça veut dire chaque jour suffit sa peine, quoi. Et c'est très bien. Je trouve que voilà, quand on a mené des batailles, il faut aller se coucher, quoi. Quel est ton mot préféré? Amour, on en a besoin, non? Alors, Amour. donc, toute ton actualité, bon, pour le moment, ce podcast sera sorti après ta représentation du 29, mais je ne sais pas s'il y aura possibilité de la revoir ou c'est vraiment un one-shot. Ben, c'était pas prévu à la base, mais c'est en discussion et je pense que oui, D'accord. ça va être possible de le regarder encore normalement au minimum pendant un mois. Mais c'est en Super. discussion, mais ça devrait rester, voilà, ça devrait être possible de le voir encore même après jeudi. Donc, auquel cas, moi, je mettrai de toute façon tous les liens en description de ce podcast. Tu as un site sur lequel on peut te suivre aussi, suivre toute ton actualité et voir toutes ces photos avec ces 76 dents. Oui, C'est. Oui, c'est ça, hein. Evarami. Ouais, evarami.fr. Voilà, on C'est peut mon papa suivre. qui tient le site, l'affaire familiale. Mais ouais, il y en a un. Hein. Puis sinon, oui, Instagram, Facebook, voilà, hein, les réseaux. Merci du fond du cœur, Eva, d'avoir été là. Merci à toi. Et puis, nous, la compagnie, on se retrouve très vite pour un nouveau remarquable. Salut, la compagnie.